Je ne serai qu'un solitaire. La vie n'est pas pour moi. Je vous donne ma place si nécessaire. La vie vaut-elle d'être vécue? Pourtant je sais, j'ai tout perdu. Je suis en vie. J'aurais eu la chance de choisir, c'est moi qui serais parti. Je suis en vie. C'est toujours les meilleurs qui partent, et elles valaient plus que moi. La vie est-elle comme ça? Où les méchants et les gentils se croisent? La mort nous surprend parfois. Une fin prématurée est montrée du doigt. Je ne comprends plus rien, je suis perdu dans ce labyrinthe sans. C'est moi qui serai parti. Je suis en vie. C'est toujours les meilleurs qui partent, et elles valaient plus que moi. Toujours les meilleurs qui partent, mais elles valent plus que moi.